dire. De la folie à l'état brut, c'est G-Steel, Steer, Guilty. Pour DJ Jock sur piano du beat. Hey, ça sert à rien de vouloir ébater l'ego. Nos vies sont faites de morceaux comme les boîtes de Lego. Hey, face à un traître, on ne passe pas l'éponge. Mais on éponge le whisky avec un grec et du punch. Oh, je n'aime pas faire dans la facilité. Les gens ne veulent pas céder, ça nous fera pas céder. Obsédé par la scie, laisse tourner le morceau. Défoncé au morceau où je vis, y'a rien de beau. Entre cet ado qui a sauté du toit et cet homme dans le froid que l'on montre du doigt. Et puis nous, dans tout ça, on est un peu entre les deux. Tempérament coléreux, on ne peut pas fermer les yeux. Évidemment qu'on rêve d'une vie bien plus dorée. Dans un récit édulcoré, j'aurais dit que la chance a tourné. Mais c'est pas le cas, la vie a l'humour de Laurent Gérard. Ne gaulerie pas, mais marie pas, tu peux croiser des tas de cistras. Laisse tourner ça, on veut du son sale. Viens chez moi, y'a du ciment sur les cartes postales. Pas prêt de poser le mic, on décrit le décor. C'est pas les trucs bidons racontés par Harry Roselmack. Laisse tourner ça, on veut du son sale. Viens chez moi, y'a du ciment sur les cartes postales. Laisse tourner le son, c'est une épidémie. Faut consommer la vie avant que le produit périme. Laisse tourner ça dans ton petit crâne. Et si les zombies braillent, ce n'est pas seulement parce que l'économie craque. Le manque de thunes, on en a une approche toute simple. Quand le portefeuille dit remets-moi dans ta poche, cousin. Même si je vois le coup de la life, j'ai pas le goût de l'arnaque. Je pense de plus en plus à rançon les cerises de Groupama. Laisse tourner la haine sur le monde. Vengeance est dans tes cornes. L'œil pour œil, dent pour dent, toujours plein. Et dans tes borgnes, délange des corps. Mélange de drogue, tranche des corps. J'en fais l'éloge. Agrippé à ma bœuf, celle qui dérange les cops, elle-même. Laisse tourner ça, une vie triste en grosset. Rare d'avoir de la chance comme voir un ministre en procès. Ah ouais. Ici y'a pas de futur, plus d'argent, plus de culture. Comprends pourquoi je termine cette zofa par un point de suture. La résistance reste le seul devoir. Et quand l'Elysée trinque, c'est toute la France qui a la gueule de bois. Laisse tourner ça, on veut du son sale. Viens chez moi, y'a du ciment sur les cartes postales. Pas prêt de poser le mic, on décrit le décor. C'est pas les trucs bidons racontés par Harry Roselmack. Laisse tourner ça, on veut du son sale. Viens chez moi, y'a du ciment sur les cartes postales. Laisse tourner le son, c'est une épidémie. Faut consommer la vie avant que le produit périme. Cette vie me fatigue, j'aurais bien besoin de vitamines. Quand tout un tas de cicatrices reste la petite marmine. Mon esprit lui il chavire et chaque soirée liquide ma weed. Ici pour s'en sortir, crois-moi, y'a pas de gris magique. Y'a des tas de gens qui s'imaginent que ce n'est pas si tragique. Mais les galères s'empilent par artistes, on est jusqu'en Picardie. J'vois tous ces proches qui partent vite face au bonheur si tardif. Toute proposition de vie pratique n'est que business lucratif. J'fais partie des déterminés et des plus craintifs qui s'intriquent dans l'obscurité. Aucune lumière scintille, j'reste addict à l'incertitude. Notre avenir est versatile et dès l'hiver s'attire. Pas besoin de police ni de merde sadique. Plus qu'une impression ici, tous les nids de merde s'attirent. T'as droit qu'à une poubelle quand tu rêverais d'une velle satis. En quête d'une vie plus belle, tellement de choses restent à dire. Laisse tourner l'instru que j'te tape un speed jusqu'à plus d'un speed. Laisse tourner ça, on veut du son sale. Viens chez moi, y'a du ciment sur les cartes postales. Pas prêt de poser le mic, on décrit le décor. C'est pas les trucs bidons racontés par Harry Roselmack. Laisse tourner ça, on veut du son sale. Viens chez moi, y'a du ciment sur les cartes postales. Laisse tourner le son, c'est une épidémie. Faut consommer la vie avant que le produit périme. Laisse tourner ça, on veut du son sale. Viens chez moi, y'a du ciment sur les cartes postales. Pas prêt de poser le mic, on décrit le décor. C'est pas les trucs bidons racontés par Harry Roselmack. Laisse tourner ça, on veut du son sale. Viens chez moi, y'a du ciment sur les cartes postales. Laisse tourner le son, c'est une épidémie. Faut consommer la vie avant que le produit périme.